à toutes, bonjour à tous. Ouverture officielle de ce 164e numéro de Coup de cœur. Les vacances avancent à grands pas, somme toute, et j'ai pensé qu'un avant-goût de Provence vous ferait le plus grand bien. Allez, c'est parti pour 60 minutes de chansons, de décryptage et de bonne humeur. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'ail du potager, l'huile de l'olivier, le raisin de la treille. C'est le mi-cocoulier où jouent les écoliers. Qu'une cigale égaye. En retenant ses vagues, s'endort en rêvassant et rêve d'un marin qui lui passe la bague. La mer a notre accent. Quand le vent de Mistral décoiffe les marchandes, jouant au tout-puissant. Et qu'il nous fait le ciel plus bleu que la lavande, le vent à notre accent. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est le mas paternel au mur couleur de miel, aux tomates vertes. De patois, que le soir en soleil. Quand la nuit de Daudet au moulin met des voiles qui tournent en crissant et que ça grouille au ciel de millions d'étoiles. La nuit à notre accent. Quand l'été de Giono revient en transhumance et que les estivants imitent en riant le parler de Provence. Le monde à notre accent. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'accent du clocher, la Noël des bergers dans la nuit des merveilles. C'est l'orgueil provençal, la gloire de notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. Vous l'avouerez, cette chanson, c'est pas simplement une chanson, c'est un film, c'est une ambiance, c'est une immersion totale. Je pense, sans faire trop de nostalgie et sans être trop rétrograde, qu'on fait plus les mêmes choses de nos jours. Alors l'histoire de Mireille Mathieu, elle a souvent été assimilée à un conte de fées, bien sûr. Née en juillet 46 dans la cité provençale d'Avignon, elle est l'aînée d'une famille qui comptera 14 enfants. Sa mère Marcel était née à Dunkerque et s'est éteinte en 2016 à l'âge de 94 ans. Son père, Roger, était tailleur de pierre et travaillait pour son propre père, lui-même patron d'une modeste entreprise. Ils ont élevé leurs enfants dans une minuscule maison de bois, c'était des gens très modestes. Aînée donc de 14 enfants, Mireille Mathieu commence à travailler dans une usine de fabrication d'enveloppes postales à l'âge de 14 ans pour aider sa famille, justement. Elle chante très jeune et à 4 ans, elle anime déjà la messe de minuit. Véritable seconde mère pour ses frères et sœurs, elle quitte l'école à 13 ans et demi. Elle découvre que la chanson est sa véritable passion et découvre également cet univers grâce à son père, qui est lui-même un chanteur ténor, amateur d'opéra et de grande voix. C'est la découverte d'Édith Piaf qui lui montre sa voix et elle décide de devenir chanteuse. Issue donc d'un milieu modeste, Mireille Mathieu commence sa carrière en 1965 et connaît son premier grand succès en 1966 avec « Mon credo ». Se façonnant à un répertoire regroupant environ 1200 chansons, interprétée en de nombreuses langues, elle devient une figure de la chanson française à l'échelle internationale. Je vous propose de revenir sur cette merveilleuse destinée dans quelques minutes. Ce premier tube, Mon credo, on l'écoute tout de suite. Et ensuite, sa référence, ce sera Édith Piaf, dont je ne regrette rien. Nos coups de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Tout a commencé en 1962 lorsque Mireille se présente à un concours local qui s'appelait « On chante dans mon quartier » organisé par la mairie d'Avignon. Elle termine deuxième juste derrière une certaine Michèle Thor et finit par le remporter ce concours en 1964 avec la chanson « La vie en rose ». Lors d'un gala d'Enrico Macias, dès 1965, en juillet, eh bien Mireille monte sur scène pour interpréter une chanson. Johnny Stark, son futur impresario, remarque alors la voix de Mireille, mais ne la contacte pas immédiatement. Le 21 novembre 65, le public la découvre lors de sa première apparition à la télévision, rappelez-vous si vous étiez déjà devant les postes, pour le télécrochet du Jeu de la Chance, présenté à l'époque par Roger Lanzac dans le cadre de Télé Dimanche. Ce jour-là, les Français s'enflamment immédiatement pour cette jeune femme qui leur rappelle tant Édith Piaf. Même voix, même gabarit, même ferveur. Mais c'est Georgette Lemaire qui est plébiscitée par les téléspectateurs et qui était en tête déjà depuis 5 semaines. Mais cette dernière confie à Roger Lanzac son intention d'abandonner. Alors celui-ci lui conseille de chanter, puis de se désister en faveur de Mireille Mathieu. Alors Johnny Stark, célèbre agent artistique à l'époque de Johnny Hallyday et d'Yves Montand, prend en charge la jeune chanteuse, on parle bien de Mireille Mathieu. Il devient son mentor et lui fait prendre des cours de chant, de danse, de langue. Mireille multiplie les interviews, les séances de photos et autres exercices de promotion intense. Très travailleuse, elle se prête sans problème à cette nouvelle vie. C'est le musicien Paul Moria qui devient quant à lui son directeur musical et la fait répéter lors d'innombrables séances de travail. La dernière valse, puis un extrait du dernier album de Michèle Thor, Sentiments. L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière valse. Mon cœur n'était plus sans amour. C'est mon cœur en 10 ans. coup de cœur, on ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Après un premier Olympia en décembre 1965, en levée de rideau de Dionne Warwick et Sacha Distel, Mireille Mathieu s'y produit en vedette dès 1966, accompagnée par Paul Mauria et son orchestre, interprétant notamment ses premiers succès « Mon credo »,« Qu'elle est belle »,« Viens dans ma rue », etc. Les tournées s'enchaînent et Johnny Stark lui décroche des contrats dans le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne cessera pas de voyager et de chanter sur les plus grandes scènes internationales. Elle est parrainée par Maurice Chevalier, auquel elle consacrera d'ailleurs une chanson hommage en 1980, « Le canotier de Maurice Chevalier ». Et le cinéaste documentariste François Reichenbach tourne « Le conte de fées » de Mireille Mathieu, qui est diffusé fin 1966 à la télévision française. Alors ce film montre en particulier sa rencontre avec Maurice Chevalier et son premier voyage aux États-Unis. Elle travaille sa voix dès lors avec la professeure de chant Annette Charlot. Toutefois, sa méconnaissance de l'anglais et ses difficultés dans cette langue ne permettront pas à Johnny Stark de miser sur une carrière américaine malgré des projets de films et de comédies musicales. Son image de chanteuse à voix

devant son double menton, sa triple poitrine. Je pensais rempli d'effroi, qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois elle avait de tout petits potons, Valentine, Valentine. Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons, tonton, tontaine. Elle avait un tout petit menton, Valentine, Valentine. Outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. En 1967, c'est l'adaptation en français de The Last Waltz, hein, c'est le titre original, sous le titre La Dernière Valse, que l'on a écouté un petit peu plus tôt dans l'émission, qui ouvre à Mireille Mathieu les portes des charts du Royaume-Uni. Elle participe pour la première fois à la Royal Variety Performance devant la reine Elisabeth II. À la fin des années 60, elle fait de nombreux spectacles au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis qui lui permettent de se confronter à des Tom Jones, Dusty Springfield, Cliff Richard, Danny Kaye, John Davidson, etc. Le compositeur de La Dernière Valse, Lee Reed, crée pour elle de nombreuses chansons qu'elle interprétera en français et ou en anglais, lui permettant ainsi d'élargir son répertoire musical. Après de nombreux succès en français, du style « J'ai gardé l'accent » en 1968, « La première étoile » en 69, qui sera reprise notamment en suédois par Agnetha avant qu'elle ne rejoigne le groupe ABBA, je ne sais pas si vous le saviez, et bien Mireille Mathieu se fait connaître du public allemand en 69 avec « Hinter den Kulissen von Paris ». Durant les années 70, ses succès en allemand vont se succéder. Quelques-uns sont également des succès en France et d'autres pays, style Acropolis Adieu en 1971. Sachez qu'en 1972, je ne me rappelle plus si je l'avais dit, moi ça m'est sorti de l'esprit lors du coup de cœur Daniel Guichard que l'on a fait, mais cette chanson La Tendresse, donc de Daniel Guichard, était pressentie initialement pour Mireille Mathieu. À noter, les 7 et 8 avril 75, elle monte sur la scène new-yorkaise du Carnegie Hall. Bien qu'elle aligne les succès discographiques en France, on ne la voit plus sur aucune scène. Elle s'illustre beaucoup plus à l'étranger et son répertoire se compose de titres originaux. Tous les enfants chantent avec moi, Mille colombes, etc., composés par les plus fameux auteurs-compositeurs français. On peut citer Eddy Marnay, Pierre Delanoë, Claude Lemel, Jacques Revaux. Son grand ami Charles Aznavour lui écrit quelques titres dont « Folle, folle, folle, follement heureuse » ou « Encore et encore ». Puis sort en 1977 « Mille colombes » et « Santa Maria de la mer » en 1978 avec le concours des petits chanteurs de la Croix de Bois, dans les chœurs notamment, et la Paloma à Dieu qui restera pendant 27 semaines classée dans les classements musicaux allemands et qui atteindra ainsi la première place. En 1978, son buste et sa coupe de cheveux servent de modèle pour une représentation de Marianne. Allez, on franchit la frontière, on la retrouve dans une chanson que j'ai citée en langue allemande, Hinter den Kulissen von Paris, je ne sais pas si je le prononce correctement. Puis La Tendresse, ce sera Daniel Guichard, bien sûr. Fadjet, le festival de toutes les musiques. La tendresse, c'est quelquefois ne plus s'aimer, mais être heureux de se trouver à nouveau deux. C'est refaire pour quelques instants un monde en bleu, avec le cœur au bord des yeux. La tendresse, la tendresse, c'est quand on peut se pardonner sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. C'est quand on peut se séparer sans se maudire, sans rien casser, sans rien détruire. C'est un geste, un mot, un sourire quand on oublie que tous les deux on a grandi. C'est quand je veux te dire je t'aime et que j'oublie qu'un jour ou l'autre l'amour finit. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'on consacre notre émission aujourd'hui à un monument de la chanson française, puisqu'il s'agit de Mireille Mathieu. Dans cette carrière, les reprises tiennent aussi une grande place parmi ses succès. On peut citer Une femme amoureuse, bien sûr, Woman in Love de Barbara Streisand, également La marche de Sacco et Vanzetti, Un homme et une femme, Ne me quitte pas, New York, New York. Au début des années 80, elle partage également un duo avec l'Américain Patrick Duffy, alors héros du feuilleton Dallas, rappelez-vous, puis avec le ténor espagnol Plácido Domingo. Fin 1985, elle remonte pour la première fois depuis 1973 sur une scène française, en l'occurrence celle de l'Olympia à Paris. Quelques mois auparavant, en août, son papa était décédé. Lors de la première de cette Olympia, en 1973, toute la famille était présente. Sa renommée est telle en Asie qu'elle est conviée à chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Séoul en Corée du Sud en 1988. Hélas, lorsque Johnny Stark disparaît le 24 avril 1989, Mireille Mathieu se retrouve un petit peu orpheline. Elle lui doit tout, en effet, aucun autre agent ne pouvant, selon elle, le remplacer. C'est l'assistante de Stark, Nadine Jaubert, qui prend le relais. Mais sa carrière, déjà en perte de vitesse en France, ne retrouvera jamais son ampleur passée. On ne la voit guère sur les plateaux de télévision française. Elle est le symbole d'une France traditionnelle et conservatrice, et Mireille Mathieu est souvent l'objet de railleries. En France, personnellement, je trouve qu'on casse beaucoup de jolies choses. C'est bien, bien dommage. Peu de temps après le décès de Johnny Stark, elle tente un changement de look. Mais son image est trop ancrée dans les esprits et c'est un échec. Avec l'album L'Américain, en hommage à Stark, elle essaie encore de se moderniser, en vain. En 1980, le chanteur François Feldman produit son album « Ce soir, je t'ai perdu ». Puis elle donne une série de concerts au Palais des Congrès à Paris en décembre de cette même année. 3 ans plus tard, sort un album consacré à son idole de toujours, qui est bien sûr Edith Piaf. On va retrouver une version française d'un immense tube américain, La femme amoureuse, puis une de ses rivales, puisqu'elle participait au même concours à la télévision, Georgette Lemaire, Et si c'était vrai ? Thank you. Fadjet, de la musique, des voix, des passions. Fadjet, c'est plus qu'une radio. J'en ai tellement chanté de ces chansons d'amour où l'on faisait rimer amour avec toujours. Des romans merveilleux qui n'en finissent pas de parler de ciel bleu, de serments et de joie. Et si ça m'arrivait bah, Georgette, pas la parole. En janvier 96, paraît l'album « Vous lui direz ». Dans ce nouveau disque, Maxime Le Forestier signe un titre pour la chanteuse qui s'appelle « À la moitié de la distance ». Si elle ne remonte pas pour autant sur une scène française, c'est à Los Angeles que le 14 novembre, elle fait un triomphe. Lors de ce concert, habillée par le couturier d'origine provençale Christian Lacroix, elle rend un vibrant hommage à une autre de ses idoles, Judy Garland. Décidément plus fêtée à l'étranger qu'en France, elle retourne pour la énième fois en Chine en avril 1997. En outre, un musée en son honneur est ouvert dans une petite ville d'Ukraine. En décembre 1997, elle chante au Vatican lors du concert de Noël retransmis dans le monde entier. Mireille Mathieu retrouve tout de même l'Olympia à Paris pendant 4 jours en décembre 1998. Son répertoire survole 35 ans de carrière. Un an plus tard, le 9 décembre 1999, la chanteuse est nommée chevalier de la Légion d'honneur des mains du président Jacques Chirac. Les 11 et 12 mars 2000, elle fait de nouveau un triomphe au Kremlin, à Moscou, face à 12 000 personnes. Accompagnée au cours de cette tournée de sa maman, alors âgée de 78 ans, elle est célébrée par des brassées de fleurs entre chaque chanson. Et dans le public, on compte des fans venus du monde entier, Allemagne, France, Californie. Elle donne également 2 conférences de presse où se pressent à chaque fois 200 journalistes. Plus adepte désormais des concerts ponctuels et exceptionnels, on ne la retrouve pas sur scène avant l'année suivante. Mais elle continue à sortir des disques dans des éditions particulières à chaque pays. C'est en Ukraine qu'elle donne son concert suivant, en juin 2001, au Palais Ukraine de Kiev justement. Puis elle chante le 8 septembre à Augsbourg en Allemagne, au cours d'un gala réunissant d'autres artistes. En décembre 2001, pour les 80 ans de sa maman, la chanteuse organise un voyage à travers la France avec ses 13 frères et sœurs. Le 12 janvier, elle est encore en Europe de l'Est pour un concert à Bratislava en Slovaquie. À l'occasion du grand bal annuel de l'opéra, elle interprète 5 succès. Puis, les 30 janvier, elle est présente dans les jardins du Luxembourg, à Paris bien sûr, pour un hommage aux victimes des attentats du 11 septembre. Le 26 avril, Mireille Mathieu retrouve la Russie et donne un concert à Moscou devant 5000 fans. Mais l'événement, c'est l'annonce début 2002 d'un nouvel album français et d'une tournée Paris-Province d'environ 25 dates pour la fin de l'année, donc en 2002. Effectivement, elle sort l'album qui s'appelle « De tes mains » fin octobre. C'est son 37e album réalisé par Mick Lanaro. Elle montera sur scène à l'Olympia du 19 au 24 novembre. Sur cette scène mythique, la chanteuse reçoit un accueil triomphal. Habillée par le couturier Christian Lacroix, Mireille Mathieu est accompagnée de 6 musiciens, dirigés par Jean-Claude Ric, qui la suit depuis de nombreuses années aussi. Après l'Olympia, l'Avignonnaise se lance dans une vaste tournée française. Cette chanson de Maxime Le Forestier, elle n'est pas présente sur les plateformes de téléchargement, mais on a fouillé, on l'a trouvée à la moitié de la distance, on l'écoute tout de suite. Puis Judy Garland, Over the Rainbow, j'en dis quelques mots juste après. De la distance au bon milieu de cette vie qui danse et recommence comme elle peut, à la moitié de ma chanson qui m'a le mieux suivi, la passion ou la mélancolie. J'ai la mémoire qui me fait des histoires et se déforme à l'ombre du passé, un rire énorme quelquefois. Le reflet sage et bien classé. À la moitié de la distance, au beau milieu d'un fado qui balance entre une avance et un aveu, à cet entracte de la pièce, faut-il changer de moitié de mes dimanches qui m'interdit de prendre ma revanche sur la farce des lundis, à mi-chemin de mes vacances au pays de la vie, parenthèse en trop de paradis. J'ai des soupirs qui me font des sourires. heureux, des éphémères que je croyais des dieux, et des délires moins délicieux qu'un soir tendresse au coin du feu. À la moitié de la distance, au bon milieu de cette vie qui dans ses manigances mise à Dieu, à la moitié de ma chanson, va-t-il venir enfin le prénom qui manque à mon refrain? Maintenant je ne recommence pas à moitié, mon cœur est en partance, toute enfance, tout entier. À la moitié de ma romance, je lance un grand défi à la page blanche de ma vie. Quelques mots sur cette Judy Garland. C'est une chanteuse, danseuse, comédienne américaine. On peut citer les films Le Magicien d'Oz, 1939, Une étoile est née en 1954. Elle nous a quittés en 1969 et Mireille Mathieu est une de ses fidèles fans. En 2005, à l'occasion de ses 40 ans, La Demoiselle d'Avignon sort son 38e album qui s'appelle tout simplement Mireille Mathieu. De nombreux paroliers, dont Irène Beau et Patrice Guirao, écrivent les textes de l'album centrés principalement autour du thème de l'amour. Toujours frappé du sceau de la ringardise en France, ben ça on connaît ça, on aime mieux le rap chez nous, elle continue à embrasser le succès à l'étranger, notamment en Russie et en Asie. En France, elle fête ses 40 ans de carrière lors d'une série de concerts à l'Olympia où on lui remet un disque de rubis. Le public est au rendez-vous pour ses 7 dates dans le théâtre de Bruno Cocatrix. Elle part ensuite en tournée dans toute la France au mois de décembre 2005. En mai 2007, Mireille Mathieu fait parler d'elle en chantant le soir de l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. La Marseillaise, également Mille Colombes, sur la place de la Concorde à Paris. Le 4 novembre, elle se produit à Saint-Pétersbourg pour la fête nationale russe devant 12 000 personnes. Au printemps 2008, la chanteuse donne une série de concerts en Allemagne. En 2011, le président Nicolas Sarkozy, justement, lui remet les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Toujours aussi passionnée par son métier, elle fête en 2014 ses 50 ans de carrière à l'Olympia du 24 au 26 octobre. Elle sort un triple CD best-of intitulé Une vie d'amour qui inclut 8 nouvelles chansons. Elle se lance aussi dans une série de 10 dates en France, renouant ainsi avec un public qu'elle n'avait pas rencontré depuis 2005. En mars 2016, le décès de sa maman Marcel à l'âge de 94 ans, dont elle était très proche, affecte particulièrement la chanteuse. En 2017 sort Made in France, une compilation dans laquelle elle reprend des chansons populaires françaises connues dans le monde entier, du style Comme d'habitude, C'est si bon, passant par La mère de Charles Trenet. Dans un autre registre sort l'année suivante l'album Mes classiques, où cette fois-ci elle se confronte entre autres à Schubert, Brahms et Tchaïkovski. L'album compte 18 titres chantés en 7 langues et mis en parole par Claude Lemel. En 2020, Mireille Mathieu vit difficilement le premier confinement à Paris et le second, elle le passe dans la maison qu'elle avait offerte à sa mère en Avignon. Elle profite de cette période pour ressortir son album de 1966, The Fabulous New French Singing Star, Mireille Mathieu. Elle crée aussi un compte Instagram, tout ça en 2020. Devenue très discrète sur la scène médiatique ces dernières années, Mireille Mathieu est apparue en compagnie de ses sœurs au défilé de mode automne-hiver 2023-2024 de la maison Pierre Cardin durant la Fashion Week de Paris le dimanche 5 mars dernier. Elle avait notamment déclaré « Ma vie privée est un jardin secret, mais oui, bien sûr, j'ai eu une vie, heureusement, je peux la garder privée, une vie amoureuse, alors sûrement, mais sans descendance, je n'ai pas créé de famille, mais je la crée pour mes fans qui m'entourent, pour et par mes fans qui m'entourent. » On va la retrouver en public, qui nous chante, c'est à l'Olympia en 2005, « Tous les enfants chantent avec moi, justement. » On m'a toujours dit qu'en chantant avec son cœur, on faisait chanter, voilà l'Olympia. Et je crois bien que c'est vrai, car dès que je chante cet air-là, je ne sais pas très bien pourquoi tous les ans. Je dois vous avouer que je suis un petit peu frustré parce que réduire une carrière de 1200 titres à 7 ou 8 chansons en une heure, c'est pas facile. Alors, je vous promets qu'on retrouvera Mireille Mathieu lors des émissions suivantes, bien sûr. Pourquoi pas, parce que c'est vraiment une carrière exceptionnelle. J'étais très, très, très heureux de partager avec vous cette heure sur l'antenne de Fadjet. Quoi vous dire d'autre ? Eh bien, qu'on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, et que si cette émission, vous voulez la réécouter, eh bien, c'est possible via www.fadjet.net. C'est notre podcast qui est disponible en permanence, bien sûr, juste après la diffusion de l'émission sur le 94.2. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, si possible, à l'écoute de nos programmes, et je vous laisse écouter la suite. Allez, bye bye, et à la semaine prochaine, jeudi 17h. Salut !